Section 9 de Dernières Nouvelles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dernières Nouvelles par Prosper Mérimée. Il vit Colo dit Madame à Lucrezia. Première partie. J'avais 23 ans quand je partis pour Rome. Mon père me donna une douzaine de lettres de recommandation, dont une seule, qui n'avait pas moins de 4 pages, était cachetée. Il y avait sur l'adresse « À la marquise Aldobrandi ».« Tu m'écriras, me dit mon père, si la marquise est encore belle. » Or, depuis mon enfance, je voyais dans son cabinet, suspendu à la cheminée, le portrait en miniature d'une fort jolie femme, la tête poudrée et couronnée de lierre, avec une peau de tigre sur l'épaule. Sur le fond, on lisait « Roma 1800 ». Le costume me paraissant singulier. Il m'était arrivé bien des fois de demander quelle était cette dame. On me répondait « C'est une bachante ». Mais cette réponse ne me satisfaisait guère. Même, je soupçonnais un secret, car à cette question si simple, ma mère pinçait les lèvres, et mon père prenait un air sérieux. Cette fois, en me donnant la lettre cachetée, il regarda le portrait à la dérobée. J'en fis de même involontairement, et l'idée me vint que cette bachante poudrée pouvait bien être la marquise Aldobrandi. Comme je commençais à comprendre les choses de ce monde, je tirai toutes sortes de conclusions des mines de ma mère et du regard de mon père. Arrivé à Rome, la première lettre que j'allai rendre fut celle de la marquise. Elle demeurait dans un beau palais près de la place Saint-Marc. Je donnai ma lettre et ma carte à un domestique en livrée jaune qui m'introduisit dans un vaste salon, sombre et triste, assez mal meublé. Mais dans tous les palais de Rome, il y a des tableaux de maîtres. Ce salon en contenait un assez grand nombre, dont plusieurs fort remarquables. Je distinguai tout d'abord un portrait de femme qui me parut être un Léonard de Vinci. À la richesse du cadre, au chevalet de palissandre sur lequel il était posé, on ne pouvait douter que ce ne fût le morceau capital de la collection. Comme la marquise ne venait pas, j'eus tout le loisir de l'examiner. Je le portai même près d'une fenêtre, afin de le voir sous un jour plus favorable. C'était évidemment un portrait, non une tête de fantaisie, car on n'invente pas de ces physionomies-là. Une belle femme, avec des lèvres un peu grosses, les sourcils presque joints, le regard altier et caressant tout à la fois. Dans le fond, on voyait son écusson, surmonté d'une couronne ducale. Mais ce qui me frappa le plus, c'est que le costume, à la poudre près, était le même que celui de la bachante de mon père. Je tenais encore le portrait à la main quand la marquise entra. « Juste comme son père !» s'écria-t-elle en s'avançant vers moi. « Ah, les Français ! Les Français ! À peine arrivés, et déjà ils s'emparent de Madame Lucrèce !» Je m'empressai de faire mes excuses pour mon indiscrétion et me jetai dans des éloges à perte de vue sur le chef-d'œuvre de Léonard que j'avais eu la témérité de déplacer. « C'est en effet un Léonard, dit la marquise, et c'est le portrait de la trop fameuse Lucrèce Borgia. De tous mes tableaux, c'est celui que votre père admirait le plus. Mais bon Dieu, quelle ressemblance! Je crois voir votre père, comme il était il y a 25 ans. Comment se porte-t-il? Que fait-il? Ne viendra-t-il pas nous voir un jour à Rome? » Bien que la marquise ne portât ni poudre ni peau de tigre, du premier coup d'œil, par la force de mon génie, je reconnus en elle la bachante de mon père. Quelque 25 ans n'avaient pu faire disparaître entièrement les traces d'une grande beauté. Son expression avait changé seulement, comme sa toilette. Elle était tout en noir, et son triple menton, son sourire grave, son air solennel et radieux m'avertissaient qu'elle était devenue dévote. Elle me reçut d'ailleurs, on ne peut plus affectueusement. En 3 mots, elle m'offrit sa maison, sa bourse, ses amis, parmi lesquels elle me nomma plusieurs cardinaux. « Regardez-moi, dit-elle, comme votre mère. » Elle baissa les yeux modestement. « Votre père me charge de veiller sur vous et de vous donner des conseils. » Et pour me prouver qu'elle n'entendait pas que sa mission fût une sinécure, elle commença sur l'heure par me mettre en garde contre les dangers que Rome pouvait offrir à un jeune homme de mon âge, et m'exhorta fort à les éviter. Je devais fuir les mauvaises compagnies, les artistes surtout, ne me lier qu'avec les personnes qu'elles me désigneraient. Bref, j'eus un sermon en 3 points. J'y répondis respectueusement et avec l'hypocrisie convenable. Comme je me levais pour prendre congé, « Je regrette, me dit-elle, que mon fils le marquis soit en ce moment dans nos terres de la Romagne, mais je veux vous présenter mon second fils, Don Ottavio, qui sera bientôt un monsignor. J'espère qu'il vous plaira et que vous deviendrez amis comme vous devez l'être. » Elle ajouta précipitamment, « Car vous êtes à peu près du même âge, et c'est un garçon, Don est rangé comme vous. » Aussitôt elle envoya chercher Don Ottavio. Je vis un grand jeune homme pâle, l'air mélancolique, toujours les yeux baissés, sentant déjà son cafard. Sans lui laisser le temps de parler, la marquise me fit en son nom toutes les offres de service les plus aimables. Il confirmait par de grandes révérences toutes les phrases de sa mère, et il fut convenu que dès le lendemain, il irait me prendre pour faire des courses par la ville et me ramènerait dîner en famille au palais Aldobrandi. J'avais à peine fait une 20aine de pas dans la rue lorsque quelqu'un cria derrière moi d'une voix impérieuse. « Où donc allez-vous ainsi, seul à 7 heures, Don Ottavio ?» Je me retournai et vis un gros abbé qui me considérait des pieds à la tête en écarquillant les yeux. « Je ne suis pas Don Ottavio, lui dis-je. » L'abbé, me saluant jusqu'à terre, se confondit en excuses, et un moment après, je le vis entrer dans le palais Aldobrandi. Je poursuivis mon chemin, médiocrement flatté d'avoir été pris pour un monseigneur en herbe. Malgré les avertissements de la marquise, peut-être même à cause de ces avertissements, je n'eus rien de plus pressé que de découvrir la demeure d'un peintre de ma connaissance, et je passai 1 heure avec lui dans son atelier à causer des moyens d'amusement, licites ou non, que Rome pouvait me fournir. Je le mis sur le chapitre des Aldobrandi. La marquise, me dit-il, après avoir été fort légère, s'était jetée dans la haute dévotion, quand elle eut reconnu que l'âge des conquêtes était passé pour elle. Son fils aîné était une brute qui passait son temps à chasser et à encaisser l'argent que lui apportaient les fermiers de ses vastes domaines. On était en train d'abrutir le second fils, Don Ottavio, dont on voulait faire un jour un cardinal. En attendant, il était livré aux jésuites. Jamais il ne sortait seul. Défense de regarder une femme, ou de faire un pas, sans avoir à ses talons un abbé qu'il avait élevé pour le service de Dieu, et qui, après avoir été le dernier amice de la marquise, gouvernait maintenant sa maison avec une autorité à peu près despotique. Le lendemain, Don Ottavio, suivi de l'abbé Negroni, le même qui la veille m'avait pris pour son pupille, vint me chercher en voiture et m'offrir ses services comme cicerone. Le premier monument où nous nous arrêtâmes était une église. À l'exemple de son abbé, Don Ottavio s'y agenouilla, se frappa la poitrine et fit des signes de croix sans nombre. Après s'être relevé, il me montra les fresques et les statues et m'en parla en homme de bon sens et de goût. Cela me surprit agréablement. Nous commençâmes à causer et sa conversation me plut. Pendant quelque temps, nous avions parlé italien. Tout à coup, il me dit en français « Mon gouverneur n'entend pas un mot de votre langue. Parlons français. » Nous serons plus libres. » On eût dit que le changement d'idiome avait transformé ce jeune homme. Rien dans ses discours ne sentait le prêtre. Je croyais entendre un de nos libéraux de province. Je remarquai qu'il débitait tout d'un même ton de voix monotone et que souvent, ce débit contrastait étrangement avec la vivacité de ses expressions. C'était une habitude prise apparemment pour dérouter le Negroni qui de temps à autre se faisait expliquer ce que nous disions. Bien entendu que nos traductions étaient des plus libres. Nous vîmes passer un jeune homme en bas violet. « Voilà, me dit Don Ottavio, nos praticiens d'aujourd'hui. Infâme, livrée, et ce sera la mienne dans quelques mois. Quel bonheur, ajouta-t-il après un moment de silence, quel bonheur de vivre dans un pays comme le vôtre. Si j'étais français, Peut-être un jour deviendrai-je député. » Cette noble ambition me donna une forte envie de rire, et notre abbé s'en étant aperçu, je fus obligé de lui expliquer que nous parlions de l'erreur d'un archéologue qui prenait pour antique une statue de Bernin. Nous revînmes dîner au palais Aldobrandi. Presque aussitôt après le café, la marquise me demanda pardon pour son fils, obligé, par certains devoirs pieux, à se retirer dans son appartement. Je demeurai seul avec elle et l'abbé Negroni, qui, renversé dans un grand fauteuil, dormait du sommeil du juste. Cependant, la marquise m'interrogeait en détail sur mon père, sur Paris, sur ma vie passée, sur mes projets pour l'avenir. Elle me parut aimable et bonne, mais un peu trop curieuse et surtout trop préoccupée de mon salut. D'ailleurs, elle parlait admirablement l'italien, et je pris avec elle une bonne leçon de prononciation que je me promis bien de répéter. Je revins souvent la voir. Presque tous les matins, j'allais visiter les antiquités avec son fils et l'éternel Negroni, et le soir, je dînais avec eux au palais Aldobrandi. La marquise recevait peu de monde, et presque uniquement des ecclésiastiques. Une fois cependant, elle me présenta à une dame allemande, nouvelle convertie, et son amie intime. C'était une madame de Strahlenheim, fort belle personne, établie depuis longtemps à Rome. Pendant que ces dames causaient entre elles d'un prédicateur renommé, je considérais à la clarté d'une lampe le portrait de Lucrèce, quand je crus devoir placer mon mot. « Quels yeux ! » m'écriai-je. « On dirait que ses paupières vont remuer. » À cette hyperbole un peu prétentieuse que je hasardais pour m'établir en qualité de connaisseur auprès de Madame Strahlenheim, elle tressaillit d'effroi et se cacha la figure dans son mouchoir. « Qu'avez-vous, ma chère ? » dit la marquise. « Ah, rien. Mais ce que monsieur vient de dire. » On la pressa de questions, et une fois qu'elle nous eut dit que mon expression lui rappelait une histoire effrayante, elle fut obligée de la raconter. La voici en deux mots. Madame de Strahlenheim avait une belle-sœur nommée Wilhelmine, fiancée à un jeune homme de Westphalie, Julius de Katzenelnbogen, volontaire dans la division du général Kleist. Je suis bien fâchée d'avoir à répéter tant de noms barbares, mais les histoires merveilleuses n'arrivent jamais qu'à des personnes dont les noms sont difficiles à prononcer. Julius était un charmant garçon, rempli de patriotisme et de métaphysique. En partant pour l'armée, il avait donné son portrait à Wilhelmine, et Wilhelmine lui avait donné le sien, qu'il portait toujours sur son cœur. Cela se fait beaucoup en Allemagne. Le 13 septembre 1813, Wilhelmine était à Cassel, vers 5 heures du soir, dans un salon, occupée à tricoter avec sa mère et sa belle-sœur. Tout en travaillant, elle regardait le portrait de son fiancé placé sur une petite table à ouvrage en face d'elle. Tout à coup, elle pousse un cri horrible, porte la main à son cœur et s'évanouit. On eut toutes les peines du monde à lui faire reprendre connaissance, et dès qu'elle put parler, « Julius est mort » s'écria-t-elle. « Julius est tué !» elle affirma, et l'horreur peinte sur tous ses traits prouvait assez sa conviction. Qu'elle avait vu le portrait fermer les yeux et qu'au même instant, elle avait senti une douleur atroce, comme si un fer rouge lui traversait le cœur. Chacun s'efforça inutilement de lui démontrer que sa vision n'avait rien de réel et qu'elle n'y devait attacher aucune importance. La pauvre enfant était inconsolable. Elle passa la nuit dans les larmes et le lendemain, elle voulut s'habiller de deuil, comme assurée déjà du malheur qui lui avait été révélé. 2 jours après, on reçut la nouvelle de la sanglante bataille de Leipzig. Julius écrivait à sa fiancée un billet daté du 13 à 3 heures de l'après-midi. Il n'avait pas été blessé, s'était distingué et venait d'entrer à Leipzig, où il comptait passer la nuit avec le quartier général, éloigné par conséquent de tout danger. Cette lettre si rassurante ne put calmer Wilhelmine, qui, remarquant qu'elle était datée de 3 heures, persista à croire que son amant était mort à 5. L'infortuné ne se trompait pas. On sut bientôt que Julius, chargé de porter un ordre, était sorti de Leipzig à 4 heures et demie, et qu'à trois quarts de lieue de la ville, au-delà de l'Elster, un traînard de l'armée ennemie, embusqué dans un fossé, l'avait tué d'un coup de feu. La balle, en lui perçant le cœur, avait brisé le portrait de Wilhelmine. « Et qu'est devenue cette pauvre jeune personne ? » demandai-je à Madame de Strahlenheim. « Oh, elle a été bien malade. Elle est mariée maintenant à Monsieur le conseiller de justice de Werner. Et si vous alliez à Dessau, elle vous montrerait le portrait de Julius. » « Tout cela se fait par l'entremise du diable, » dit l'abbé, qui n'avait dormi que d'un œil pendant l'histoire de Madame de Strahlenheim. Celui qui faisait parler les oracles des païens peut bien faire mouvoir les yeux d'un portrait quand bon lui semble. Il n'y a pas 20 ans qu'à Tivoli, un Anglais a été étranglé par une statue. « Par une statue ? » m'écriai-je. « Et comment cela ? » C'était un milord qui avait fait des fouilles à Tivoli. Il avait trouvé une statue d'impératrice, Agrippine, Messaline, peu importe, tant il y a qu'il la fit porter chez lui, et qu'à force de la regarder et de l'admirer, il en devint fou. Tous ces messieurs protestants le sont déjà plus qu'à moitié. Il appelait sa femme, sa milady, et l'embrassait, tout de marbre qu'elle était. Il disait que la statue s'animait tous les soirs à son profit, si bien qu'un matin, on trouva mon milord roide de mort dans son lit. Eh bien, le croiriez-vous ? Il s'est rencontré un autre Anglais pour acheter cette statue. Moi, j'en aurais fait faire de la chaux. Quand on a entamé une fois le chapitre des aventures surnaturelles, on ne s'arrête plus. Chacun avait son histoire à raconter. Je fis ma partie moi-même dans ce concert de récits effroyables, en sorte qu'au moment de nous séparer, nous étions tous passablement émus et pénétrés de respect pour le pouvoir du diable. Fin de la section 9, enregistrée par Margot.